j'attends seule entre Martini et Amuse-Gueule. Quand elle pointe le bout de son nez, la moutarde fait déjà effet. Elle jette de l'huile sur le feu, mais tel un pompier valeureux, j'éteins ses reproches assassins en mettant de l'eau dans mon vin. Oh, elle me la sert à toutes les sauces, un peu comme le vin quand t'es gosse. Mais là, elle m'offre le supplément, ça doit être ma fête, sûrement. Avec une larme de vitriol, la fête est encore plus folle. D'un naturel envahissant, je suis un peu lourd soi-disant. Finalement, elle se contient et m'explique avec dédain, comme l'appétit vient en mangeant, l'amour s'étiole en vieillissant. Oh, ça fait 2 mois qu'elle voit un mec. Il est beau, il est architecte. D'ailleurs, c'est l'heure, elle doit filer. Je la regarde s'éloigner. Non, ça ira, pas de café. L'addition est assez salée. On débarrasse.